بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. الحمد لله رب العالمين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. الرحمن الرحيم. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. مالك يوم الدين. Maître du jour de la rétribution. إياك نعبد وإياك نستعين. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. إهدنا الصراط المستقيم. Guide-nous dans le droit chemin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.